fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, ses verrous, ses exigences. Il est riche en son amour, Jésus, l'ami fidèle. Jésus, l'ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Jésus, l'ami fidèle. Jésus, l'ami fidèle. Jésus, l'ami fidèle. Jésus, mon ami fidèle. Jésus, l'ami fidèle. Bienveillant, c'est toi seul.